إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسنرى في هذه الليلة المباركة مع بعض بعض النصوص من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق الأدب فيما يتعلق بأمر الأدب فسنقرأ من كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. Donc nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, quelques récits prophétiques concernant la politesse, la bienséance, le bon comportement. Et ce livre s'intitule « Al-Adab al-Mufrad » de Al-Imam al-Bukhari, rahmallah. La différence entre « Al-Adab al-Mufrad » et par exemple « Sahih al-Bukhari », c'est que Al-Imam al-Bukhari ici n'a pas donné comme condition le fait de mentionner que des hadiths qui sont authentiques. On peut retrouver dans ce livre des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ça, c'est une condition qu'il avait donnée pour son sahih. Alors, des fois, on peut entendre Rawahu al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Alors, ça ne veut pas dire que le hadith il est automatiquement sahih. Il faut vérifier. Donc, Rawahu al-Bukhari, ou dans son sahih ou pas. Non. Donc, ça y a ici, il peut avoir très bien donc une certaine nuance. Et le même al-Bukhari a commencé ici, lorsqu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Donc chapitre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La parole d'Allah Ta'ala. Et nous avons recommandé à l'homme la bonté envers les parents. Non, bonté envers ses deux parents. Husna. Donc hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit Sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu al-amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salat 'ala waqtiha qultu thumma ay qala bir al-walidayn bir al-walidayn qultu thumma ay قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني والحديث الصحيح الحديث صحيح. Donc le premier hadith que nous voyons ici, c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Il est authentique. Il dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel acte est le plus préféré ou le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal? Il a dit la prière en son heure. Wa alaykoum salam. La prière en son heure. Hein? Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Certes, la prière, wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, était, et pour les croyants, à une date prescrite. La qabl wa la ba'd. Pas avant la prière et pas après. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit, comme il a été interdit de prier après l'heure, il est aussi interdit de prier avant l'heure. Donc la prière avant, la prière en son heure, c'est l'œuvre préférée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et puis bir al-walidain, donc l'obéissance, la bonté, la bienséance, bir c'est général. C'est ismun jami'un. Les jami' al-ibadat. Les jami' al-ta'at. En vérité, que lorsqu'on dit al-bir, donc al-bir c'est l'obéissance, c'est l'adoration, c'est tout. Al-bir, en vérité, il englobe tout ce que tu fais dans ta religion. Al-bir. Al-bir, donc c'est justement le fait donc, d'être bon envers tes parents dans tous les temps, toutes les situations. Dans toutes les situations. Et là on voit que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le droit d'Allah, haqqullah fi salat, Il commence par son droit, parce que c'est son droit qui prévaut. Puis après, il montre le droit des humains. Car, fi dinina, mada najid. Najid, haqqullah wa haqqul ibad. On retrouve dans notre religion le droit d'Allah et le droit de l'ibad. Et on retrouve ça dans, comme surat al-ma'un. Surat al-ma'un. Qu'est-ce qui pourrait nous réciter cette surat al-ma'un, l'ustensile? Bilal? Si tu prends ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a dit, as-tu vu celui qui ment dans la religion? Celui qui ment dans la religion. C'est le droit d'Allah. Zid. Hein? Et c'est celui qui quoi? Qui délaisse l'orphelin. Il ment dans la religion, il ment sur la religion. Allah n'a pas dit par exemple, il délaisse, on va dire la zakat ou autre chose. Il a parlé du haqq al-ibad. Il a parlé donc des droits humains, ici. Tout de suite, celui qui ment sur la religion, regardez comment il est. Il ne respecte ni les droits d'Allah, il nie en vérité les droits humains. Et Allah, il montre que dans la religion, c'est les droits d'Allah et c'est les droits humains. Continue. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, wala yahuddu? Et il? Hein? Et il quoi? Wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Et il n'encourage pas, hein? Il n'encourage pas les gens à nourrir leur, le quoi? Le pauvre. Ici, Allah ne dit pas et il ne donne pas aux pauvres. Il a dit il n'encourage pas. C'est-à-dire que ça veut dire quoi encourager? C'est-à-dire que je te dis, oh Mohammed, va donner aux pauvres. Comment Allah, il nous réprimande de ne même pas dire ça. Vous voyez comment? Alors c'est-à-dire, que dire de ne pas donner soi-même? Vous avez compris la nuance? C'est-à-dire que Allah, il nous réprimande parce qu'on ne se recommande pas mutuellement d'aider le pauvre. Alors que dire de donner soi-même? Parce que si tu recommandes les gens à aider le pauvre, tu es censé le faire toi-même. Mibab Aula, tu es censé le faire toi-même, donc c'est prioritaire. Regardez comment Allah est venu. Pour montrer que c'est ablar, c'est encore plus fort. Hein, c'est en vérité, c'est plus puissant ici. Pour dire tellement en vérité, les gens dans la religion, ils ont des droits. Ils ont en vérité des hukouk. Ils ont des droits vis-à-vis des musulmans. Et après, il termine. Hein? Voilà. Donc elle voit, hein, là on parle de ceux qui prient, hein, c'est-à-dire malheur à ceux qui prient après, et ceux qui quoi? Qui en vérité qui délaissent la prière, qui sont en vérité, donc qui prient avec un certain délaissement, avec un certain lassement. Et là c'est venu donc la parole d'Ibn Abbas par rapport à la prière à l'heure, c'est ça le tefsir. Et il termine par ceux qui n'aident pas celui qui a besoin de l'ustensile. Allah il termine encore une fois par le droit de l'humain. On trouve dans ce verset-là, dans cette sourate-là, trois fois le droit des humains. Et ça, c'est important de savoir que l'islam est composé pas juste de droit d'Allah. Donc, on se dit, moi, c'est bon, je fais ma salat, je fais ma zakat, je fais mon hajj, mais il y a aussi le reste. Et c'est ce que souvent, c'est généralement, les gens ne font pas attention à ça, ne prêtent pas attention à ça. Ils pensent que ça, c'est pas grave. Là, c'est grave. Non, ça reste quelque chose d'important. Donc, il dit, birr walidain, le respect des parents. Summa qult yani, donc, écho encore, el jihad fi sabilillah. Et il a dit, si j'aurais continué, il m'aurait continué à me mentionner, à me citer hein, d'autres. Donc bien sûr, on a un délit parmi les délits, comme quoi il faut en vérité, donc, comme ça, obéir aux parents. Respecter les parents, les honorer, hein, à quel c'est large. Et aussi, donc, Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala, anhuma, dit, Rida Rabbi, hein, Rida Rabbi, yani fi Rida al-Walid, ou al-Walid. L'agrément du Seigneur est dans l'agrément du parent, hein, du père. Et l'agrément et le courroux ou la colère du Seigneur est dans la colère du parent, du père. Du parent. Donc c'est pour montrer tu es bon avec tes parents, Allah justement agrée de toi. Tu es mauvais, donc Allah Azzawajal, il va être en colère contre toi. Et c'est Hadith qui est Hassan. Il y a Hassan, il y a Mawkoufan, ou Saha, il y a Marfoua. Aussi, donc deuxième chapitre, c'est Bab Bir al-Um. Le chapitre de l'obéissance, ou de la bienséance, ou du bon comportement à avoir avec la mère. Ici aussi, donc, Baz ibn Hakim, an Abihi, an Jaddihi, Qut. فقال يعني يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك أمك عفوا نعم أمك أمك نعم قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب قال الأقرب الصحيح حسن كي بون ici donc la personne elle dit oh envoyé d'Allah qui donc je dois plus obéir par rapport à la personne qui est la personne qui mérite que je sois plus bonne avec elle envers elle ta mère et puis ta mère et puis ta mère et puis ton père le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donc dit trois fois la mère avant le père jusqu'à ce que certains ulama disent que wa alaykoum salam si tu avais maintenant quatre parts à donner ben tu donnerais trois parts à la mère et une part au père si tu avais quatre parts c'est un exemple on va dire si tu avais quatre billets à donner tu as envie de donner à tes parents, ben tu vas donner trois à ta mère, tu vas donner à ton père. Non. C'est un exemple parmi les exemples. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné trois fois la mère et puis le père. Non. Aussi, dans un hadith qui est authentique, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, in annahu atahu rajulun faqal, inni khatabtu imra'atan. فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها donc il y a un homme qui est venu voir Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma du fait qu'on sait qu'Ibn Abbas était beaucoup surtout après la mort du prophète les gens venaient beaucoup le voir pour lui poser des questions on retrouve beaucoup de questions qui lui sont posées par Ibn Abbas du fait qu'il en vérité parmi les grands savants compagnon de l'islam il fait partie des grands savants il dit j'ai demandé une femme en mariage elle m'a refusé et un autre que moi l'a demandé en mariage et elle a accepté et donc je l'ai tué fahalli min tauba est-ce qu'il y a un repentir pour moi قال donc Ibn Abbas il dit أمك حية est-ce que ta mère est vivante قال لا قال توب إلى الله عز وجل repens-toi envers Allah عز وجل وتقرب إليه ما استطعت et rapproche-toi de lui comme tu peux comme tu peux فذهبت je suis parti فسألت Ibn Abbas donc il est parti et après je suis donc venu voir Ibn Abbas c'est pas la personne qui pose la question qui répond là c'est quelqu'un qui témoin il dit lima sa'altahu an hayati ummihi il dit pourquoi tu lui as posé la question sur le fait que sa mère soit vivante sur la vie de sa mère inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birri al-walida car je ne connais pas d'acte qui te rapproche le plus d'Allah azza wa jalla que l'obéissance la bienséance envers la mère pour enlever un péché qui est grave. Mais genre ils vont dire, il n'a pas balancé au tribunal. Non, il n'a pas, parce que la personne, tant que le tribunal ne le sait pas, il n'y a pas de jugement à faire. Il y a-tu quelqu'un là? Mais tant que ce n'est pas arrivé au juge, khalas, un tal moudre. Vous comprenez? Un tal moudre. C'est comme une personne qui avait fait zina et que lorsque les gens ont voulu l'attraper, il s'était sauvé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si seulement vous l'avez laissé. Le fait de se sauver, qui avait peur, c'était une sorte de tauba pour lui. Tant que c'est pas arrivé au juge, l'affaire, il n'y a pas de jugement à faire. Tant que c'est pas arrivé au juge. Non. Donc là, on a vu par rapport à Bir el-Um. Troisième chapitre, Babu Bir el-Ab. Bir el-Ab. L'obéissance au père, ou bien la bienséance envers le père. Abu Hurayra al-Qadiani, Qila ya Rasulallah. من أبر قال أمك أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك donc même le Bukhari afin de départager le hadith on l'a déjà vu auparavant ou un hadith qui ressemble mais pour départager pour que les gens comprennent il a mis des chapitres différents pour le père parce que l'autre chapitre c'était spécifique à la mère et là spécifique au père mais avec le même dalil avec la même preuve car la preuve parle de la mère trois fois et puis termine par le père aussi dans un hadith qui est authentique où Abu Huraira rapporte Ata rajulun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ma ta'muruni qala يعني بر أمك ثم عاد قال بر أمك ثم عاد قال فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Donc ça dit qu'il reçoit l'autre. C'est un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: tu m'ordonnes de quoi? Quoi, hein? Donc quelle est la chose dont tu vas m'ordonner ou bien me recommander? Il dit: obéis à ta mère. Et puis il revient, il redit la même chose, ta mère. Il revient et il dit la même chose, trois mères. Quatrième fois aussi, et puis il termine par le père. Et il termine par le père. Donc ça marche. Quatrième chapitre. Babu Beri Walidehi Wa In Zalama. Donc le chapitre de l'obéissance envers les deux parents, même s'ils sont injustes envers toi. Donc là, on change de situation. On arrive à un nouveau registre. On ne parle pas de période calme. On parle même quand c'est des moments difficiles. On parle même si on a l'impression d'avoir la pression sur notre dos de la part de nos parents. قال ابن عباس ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلمه قال وإن ظلمه. Ici, donc à Kuhel, le sanad il est daif. Mais on le lit quand même. Ici, en vérité, c'est un sanad qui est daif, car en vérité, ici, il y a quelqu'un qui est dans la chaîne de transmission qui est inconnu. Donc voilà ce que dit Ibn Abbas par rapport à ce hadith. On va juste le lire. Hein? Mais vous savez qu'il est daif à Kuhel, donc c'est quand même une faïda. Chaque musulman a des parents. Hein, musulmans. Il se lève et il est bon envers eux. Et Allah va lui ouvrir deux portes, hein, de paradis. Et si il est bon avec un des deux parents, ça sera qu'une seule porte qui sera ouverte. Et si il met en colère l'un des deux, Allah n'agrée pas de lui, jusqu'à ce qu'en vérité les parents agréent de lui. Et on lui dit, et même s'ils ont été injustes envers lui, il dit même s'ils ont été injustes envers lui. Donc on a bien mentionné que le hadith il était daif. Babu laynil kalami li walidayhi. Lakin en vérité, comme on l'a vu, hein, sur le hadith auparavant, donc c'est des ma'na qui sont sahih. Le sens il reste véridique, même si c'est pas de la bouche d'Ibn Abbas. Il reste quand même en vérité, le sens il est vrai vis-à-vis de Allah agrée de toi, parce qu'on l'a vu par rapport à le hadith auparavant, par rapport à l'agrément d'Allah et la colère d'Allah. Si tu les mets en colère, Allah il sera en colère. Si tu les mets, donc ça ressemble. Donc c'est pour ça que le ma'na il reste authentique. Et ici, donc être doux, avoir une parole douce envers ses parents. Donc ça c'est parmi maintenant une caractéristique, des caractéristiques de savoir comment en vérité on doit se comporter envers les parents. Donc ici, Taïsara il s'appelle Ibn Mayyas. Taïsara ibn Mayyas. Donc il dit Kuntu ma Najdat. Kuntu ma Najdat. Et lui il veut dire Najd. Donc tous ceux qui vivaient à partir de Najd, ce qu'on appelle l'Irak et compagnie. À l'époque, lorsqu'on parle du Najd, Najd c'est les montagnes. C'est les hauts plateaux. C'est là où il y a des montagnes. Donc ça commence. Maintenant, Riyad, en Arabie Saoudite, on l'appelle Najd. Parce qu'il y a des montagnes. Ça commence à partir de Riyad, ça s'enfonce hein, jusqu'en Irak. C'est ça Najd. À l'époque, lorsqu'il disait Najd, il ne parlait pas de Riyad. Il parlait de l'Irak à l'époque. Donc il dit Fa'asbahtu, hein, Vrouban, la araha illa min al kaba'ir. Donc j'étais avec les gens hein, de Najd, parmi eux, Al-Haruriya. Hein? Donc vous connaissez sûrement le mot Al-Haruriya, on les mentionne, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des Khawarij, on les appelle Haruriya, le fait qu'ils étaient énormément stationnés dans une ville qui s'appelle Harura. Et donc je me suis levé, c'est-à-dire le matin, donc, et j'avais commis un péché. Et je vois que ce péché fait partie des grands péchés. Je ne le voyais que qu'il faisait partie des grands péchés. Fazakartu Zanika ibn Omar. J'ai mentionné cela à Ibn Omar. Il veut en vérité être sûr est-ce que c'est un grand péché, est-ce que en réalité c'est un... il va voir un savant, au moins il veut vraiment enlever hein, ce qu'il y a en lui. Kala Mahia, il lui dit quelle est celle-ci. Kultu kada wa kada, il dit ceci ou cela. Bien sûr il ne va pas le mentionner comme ça, on ne sait pas qui a fait ce péché, ça ne nous regarde pas nous, les musulmans ne sont pas, il n'est pas demandé aux musulmans de connaître en vérité les péchés des autres, ça c'est pas de notre religion d'aller chercher chez les gens ce qu'il faut comme péché. Kala laysat hadihi min al-kaba'ir, il dit ce que tu as fait ne fait pas partie des grands péchés. Hunna tis'a, elles sont au nombre de 9, elles sont au nombre de 9. Al-ishraku billah, c'est clair, le fait d'associer hein, ou de donner à Allah un associé, al-ishraku billah, wadih. Wa qatlun nasma, donc on va dire donc de qatlun nafs, de tuer quelqu'un. Wal firar min az-zahf, se sauver au moment de la jihad, au moment de la bataille, alors que tu es en face de l'ennemi, tu te sauves alors qu'à ce moment-là tu dois rester. Wa kathfu al-muhsana, mentir sur une femme pieuse disant qu'elle a commis l'adultère. Wa aklu riba, manger de l'usure. Aklu riba, manger de l'usure. Wa aklu mal al-yatim, donc manger injustement l'argent de l'orphelin. Wa ilhadun fil masjid, en vérité vouloir faire tout ce qui est mal dans la mosquée, ne serait-ce que de tuer quelqu'un ou quoi, tout ce qui serait mauvais. Walladhi yastakhir, c'est-à-dire yastakhir afwan, alladhi yastakhir, celui qui se moque de la religion. Hein, celui qui se moque, il va se moquer de la barbe des gens, il va se moquer de la chemise des gens, il va se moquer de siwak des gens. En général, il se moque toujours de ce que les gens pensent que c'est anodin, pensent que c'est vil, c'est pas important, et Allah n'aime pas ça, soit il pense que c'est comme ça. Et ça, c'est, ça rentre dans le sukhriya. Wa buka, el walidaini min al uquq. Buka, el walidaini min al uquq. Que tes parents pleurent parce que tu leur désobéis. Tu fais du mal envers tes parents et ils pleurent. Ben ce pleur-là, pour toi, c'est un grand péché. Ça rentre dans les El-Kaba'ir. Il les a comptés au nombre de 9. On voit qu'elle ressemble à quoi ici? À Al-Mubiqat. Al-Muhliqat. Mubiqat, mais maintenant Al-Muhliqat. Les ulama, ils ont dit, ça veut dire Al-Muqat. C'est-à-dire que tu es obligé de goûter, même si c'est un petit moment, l'enfer. C'est ce que tu mérites, de goûter à l'enfer, même si c'est un moment. On sait que le chef là, tu restes. Mais les autres péchés, tu dois goûter, ne serait-ce qu'à un moment, l'enfer. C'est ça que ça veut dire Mubiqat. Al-Muhliqat. En vérité, ce sont les périls. Ce sont les périls. Tu péris. Tu dois goûter à cet enfer. Non. Donc ici, on, justement, donc le shahid ici, le témoin argumentatif pour nous, par rapport au sujet, c'est ça. Buka al-walidain min al-uquq. Par rapport à la désobéissance. Qala li ibn Omar. Atafraku an-nar wa tuhibbu an tadkhul al-jannah. Omar lui dit, est-ce que tu veux t'éloigner de l'enfer et tu veux te rapprocher ou entrer au paradis? Qultu ay, wallah, bien sûr, wallah, par Allah. Qal ahayyun wa yani walidak, est-ce que donc tes parents sont vivants? Est-ce que tes parents sont vivants? Qultu indi ummi, il dit j'ai encore ma mère. Qala fa wallahi law alanta laha al-kalam, wallah, si tu es doux de parole avec elle, hein, et que tu lui donnes de la nourriture, la tatroulanna al-janna ma ijtanabta al-kaba'ir, ma ijtanabta al-kaba'ir, tu rentreras certainement au paradis tant que tu auras délaissé les péchés, les grands péchés, al-kaba'ir. Il a mentionné quoi ici par rapport à tout ce qu'on a vu? Il a mentionné donc la mère, il a mentionné ici les parents. Tu as tes parents, donc rapproche-toi en vérité hein, d'Allah Azza wa Jal par le fait d'être bon envers tes parents. Et aussi dans un autre hadith où Hisham ibn Urwa rapporte de son père Urwa dans la parole d'Allah Azza wa Jal, waqfid lahuma janah dhulni min ar-rahma, et en vérité donc sois en vérité miséricordieux, sois en vérité proche et miséricordieux envers tes parents. C'est ça que ça veut dire, sois doux, proche et miséricordieux envers tes parents. Qal la tabtani min shay'i ahabba, n'interdis pas quelque chose qu'ils aiment bien. N'interdit pas en vérité quelque chose qu'ils aiment bien. C'est même dans le moubah. Et là, c'est même dans les choses, tu dis, c'est pas grave sur la vie d'ici-bas. Ils te demandent d'aller chercher du lait, c'est 14h, pourquoi tu vas à 18h? Laisse tomber ton match de foot, laisse tomber ce que tu as à faire, fais cette petite course, un exemple, c'est un exemple. Fais cette petite course, reviens et après va faire ce que tu as à faire, même si tu arrives dans ton match en retard. Non, il y a ce silence-là. On parle pas de leur obéir par rapport à la désobéissance envers Allah. On parle des choses de la vie d'ici-bas. Hein? On parle par rapport aux choses. Ils aiment bien, ils veulent que ce soit fait à midi. Fais-le à midi. Ils veulent que demain matin, tu as un petit jardin, tu vas tondre l'herbe. Tondre l'herbe. Pourquoi t'attends? Tu veux attendre l'herbe. Pourquoi tu vas attendre? Tu vas repousser. Tu vas, et en vérité, tout le temps en train de. Donc tu ne les satisfais pas en réalité. Et là, regarde. Donc, n'interdis pas en vérité ce qu'ils aiment. Eux, ils aiment que ça se passe comme ça. Fais-le. Sois simple. Délaisse les choses et va directement vers eux. Pense qu'en vérité, c'est un appel d'Allah Azzajal lorsqu'il y a ça. En vérité, nos parents, ce sont des grandes épreuves pour nous. Parce que c'est journalier. On vit avec eux pratiquement journalièrement. C'est pas une fois tous les 6 mois. Donc, c'est toujours des épreuves. Je crois qu'ils t'appellent. N'oublie pas qu'en vérité, tu es en train de. Justement, tu pourras. Tu devrais dire Alhamdulillah, Allah Azzajal me permet de quoi? Ben justement, d'adorer, de me rapprocher de lui. Tu te rapproches d'Allah en faisant ça, même si c'est des choses qui sont en vérité moubah, permises, licites. Bab Jaza al-Walidain, 6e chapitre. Afwana, je vais juste m'étendre pour les pieds, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire le fait d'être quitte envers ses parents. Le fait hein, d'être quitte dans le sens où on leur doit quelque chose. On est endetté entre guillemets envers eux. Donc on va pouvoir s'acquitter de notre dette. Comment? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani, dhakara fil hadith al-sahih, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. La personne ne sera pas redevable envers son parent que si elle trouvait son parent. Hein? Esclave et qu'elle le rachète. Elle rachète sa liberté. Il n'y a que de cette façon que tu pourras arriver en vérité au niveau d'être quitte. Donc tu es redevable tant que tu n'auras pas arrivé. Donc tant qu'il n'y a que cet acte qui te permet de ne plus être redevable. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ben, tu es redevable. Quoi qu'il en soit. Et dans un autre hadith, dans un autre. C'est une qissa ici où Abu Borda il rapporte, il dit Samartu. أبي يحدثني أنه شاهد ابن عمر ورجل يمني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره فيقول. Donc il lisait une poésie. Donc ici il y a donc Abu Borda rapport de son père qui a entendu Ibn Omar, qui a vu, il est témoin de cela. Il y a un homme yéménite qui faisait le tawaf, hein, donc il faisait le tawaf autour de la Kaaba et il portait sa mère. Elle portait sa mère. Et après, il dit à Ibn Omar, Thumma qal, Ya Ibn Omar, Aturani Jazaituha. Oh Ibn Omar, est-ce que tu vois que je suis quitte? Je suis maintenant en vérité. Donc j'ai payé ma dette envers elle. Qala la, Walabi Zafratin Wahida. Il a dit même pas pour une seule contraction. Là, une seule contraction de ta mère. Hein, c'est plus que même si tu faisais le hajj avec elle, il va du Yémen, hein, il apporte sur son dos, il fait le hajj avec. Même une contraction, eh ben c'est au-dessus de tout ça. Imaginez-vous un peu. Alors que dire des contractions et du reste, et du reste, et du reste, tu te réveilles, 3 mois, 2 mois, 6 mois, t'es malade, suffit, la nuit, ça s'arrête pas. C'est pas une contraction, là, ça serait l'équivalent de 1000 contractions. Ça, même si tu portes ta mère pendant le hajj, ben c'est pas l'équivalent d'une seule contraction avant. Hein, au moment où elle va bien sûr, donc t'accouches, au moment où justement elle va t'enfronter. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما أمامهما. Donc il dit, Ibn Omar, vous voyez qu'il est intelligent. Donc il a fait tawaf, et après chaque tawaf, il y a quoi? Obligatoirement, 2 rak'a. Hein, parce qu'on sait que les kulli tawaf, rak'atain. Pour chaque tawaf, il y a 2 rak'a. Même si tu fais un tawaf comme ça, on sait que c'est pas que pendant la Ramadan. Sache que chaque tawaf que tu auras décidé de faire, tu dois prier après 2 rak'a. Ça s'arrête là. Ça, c'est pour le tawaf qui est simple. Tu es habillé comme ça, tu as envie de faire tawaf. Tu fais tawaf et après tu pries 2 rak'a. Parce que pour chaque tawaf, il doit avoir 2 rak'a. Donc ici, il prie 2 rak'a. Et après, il lui dit hein, Ibn Abi Moussa, oh Ibn Abi Moussa, sache que chaque hein, chaque en vérité. Donc, pour toute unité que tu vas faire, c'est-à-dire deux unités, à chaque fois que tu as pris deux unités, elles vont effacer ce qui est avant. En vérité, là, Ibn Omar, il lui montre en vérité que d'autres choses aussi effacent les péchés. Il n'y a pas que le fait de. Hein, que, c'est-à-dire, c'est le, ne cherche pas à être quitte en vérité avec ta mère. Alhamdulillah, tu peux en vérité avoir des péchés qui seront effacés. Fais du bien, ça c'est des hasanats, mais aussi fais des choses qui vont en vérité en même temps enlever à kulli hal tes péchés. Aussi, on a. Yani, Abdullah ibn Omar. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبقيتهما. Donc il dit, عبد الله بن عمر بن عمر rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance à la hijra, afin qu'il reste avec les musulmans. Et il a laissé ses parents en train de pleurer. Il a délaissé ses parents en train de pleurer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: retourne vers eux et fais-les rire, fais-les sourire comme tu les avais fait pleurer. Parce que lorsqu'il va revenir et qu'il va dire je reste, ils vont être contents, ils vont sourire. Donc il faut qu'on reste auprès d'eux. Non. Donc bien sûr, il y a des gens qui vont utiliser cela par rapport à la Qadiyah al-Hijra. La Qadiyah al-Hijra, il est possible que cet homme-là, Allah A'lam, en vérité, ils ont besoin de lui, il est seul. C'est lui qui les aide. Après, ça dépend. Alhamdulillah, des fois dans les familles, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 enfants. Tous ont peut-être un bon métier ou quoi, tous ont l'aql suffisant, le raisonnement suffisant aussi, l'amour suffisant des parents pour l'aider. Celui qui veut partir, il peut partir dans cette famille. Parce que il y a des gens qui s'occupent des parents. Ou bien voire même des fois les parents peuvent s'occuper d'eux-mêmes. C'est une question de savoir, est-ce que les parents sont capables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ou ils ont réellement besoin de toi. Donc en vérité, il y a aussi par rapport à cela. Est-ce que tu dois rester? Donc c'est selon en vérité, la situation. Chaque situation familiale va être en vérité à part. Il n'y aura pas une fête toi qui va être en vérité générale pour tout le monde. Donc on va prendre ce délai pour dire non, on ne doit pas partir par rapport à la hijra. On ne va pas prendre ce délit pour dire oh, mais nos parents ils vont pleurer. Sahih. Lakin, il faut voir, je veux dire en vérité, s'il y a des gens qui sont là pour les aider. Il y a aussi il y a d'autres paramètres. Il est clair que chaque parent est toujours touché lorsque l'enfant part. Quoi que tu ailles, où que tu ailles. Même si tu partais avoir le meilleur salaire hein, aux États-Unis ou quoi que ce soit, même si tu partais pour la dounia, un exemple. Eh bien, ils seront quand même touchés à coup de hell. Aussi, Abu Huraira. Donc, rapporte, hein, donc ici, il s'appelle donc le Abu Murra Maula Umhani, une Ibnat Abi Talib. Umhani, c'est une femme qui posait énormément de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elle est de sa famille. Alors, donc, allez le voir surtout au début, on retrouve pas mal de questions sur les menstrues, sur ceci, sur cela, ou bien sur l'urine de l'enfant, quoi, par rapport hein, à la religion. Et, donc, c'est la fille de Abu Talib. Elle dit Akhbarahu annahu rakiba ma'a. Donc celui qui est Maula, il est monté avec Abu Huraira, rakiba ma'a Abi Huraira, ila ardihi al-aqiq. Fa idha dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummah. Oh, ya ummatah. Donc Abu Huraira, il était parti avec lui. Donc Abu Murra, il était parti avec Abu Huraira là où habite la mère d'Abu Huraira sur leur terre. Lorsqu'il arrive à cette terre, hein, il a élevé la voix. Donc il a élevé la voix fortement. Il a vraiment élevé la voix de la façon la plus haute. Et il a dit alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh, ô ma mère. Taqul, elle dit wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et elle répond yaqul rahimakillah kama rabaitini saghira. Qu'Allah te fasse miséricorde comme tu m'as éduqué de la bonne façon lorsque j'étais petit. Fatakul, ya bunay, elle dit, oh mon fils, wa anta, et toi, jazakallah khaira, wa radia anka, qu'Allah te donne la récompense, la meilleure récompense, et qu'il agrée de toi, kama barartani kabira, comme tu m'obéis alors que tu es grand. C'est ce qu'il demandait, hein, de dire en vérité cette doua vers sa mère et que sa mère dirait la même chose. Parce que tu demandes à ta mère, tu remercies ta mère de t'avoir bien éduqué quand tu étais petite, ta mère, elle va te... Et toi, c'est ton remerciement, c'est justement d'être bon envers elle. C'est d'être bon envers elle. وقال موسى كان اسمه أبي هريرة عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر السند il est bon, il est حسن. Donc vous voyez un petit peu comment un compagnon parmi les grands compagnons du prophète, parmi les ulama, parmi les compagnons, regardez comment il est avec sa mère. On a un exemple, il fait attention. Abu Huraira, il choisit comment il fait avec sa mère, il choisit aussi qui donne sa fille en mariage. Donc il n'a pas donné sa fille en mariage à n'importe qui, à Saïd ibn al-Musayyib, parmi les fuqaha, Al-Sabah ibn al-Medina. C'est son beau-fils, il choisit. C'est pour montrer un petit peu comment ils sont, l'état d'esprit qui y vivent, les compagnons du prophète. Ça ne s'arrête pas à juste hifz al-hadith là, mais c'est en vérité, c'est totalement en vérité l'amal dans toute chose, dans l'éducation des enfants, dans ceci, dans cela. Lorsqu'ils prennent un hadith, c'est pour en vérité le vivre en vérité complètement. C'est pour en réalité vivre totalement en vérité ce qu'il y a à vivre dans cette religion. Septième chapitre, bab uquq al-walidain, chapitre des obéissances envers les parents, la désobéissance envers les parents. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال إشرك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا على قول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Donc il dit النبي صلى الله عليه وسلم n'est-ce pas que je vais vous mentionner les plus grands péchés trois fois de suite. Ils ont dit oh, que oui, oui, oh, envoyé d'Allah. Il a dit donc associer ou donner à Allah un associé. Et puis la désobéissance aux parents, il s'est assis alors qu'il était accoudé. Kanamuttakean, il était accoudé, il s'est assis. Il a dit aussi, c'est-à-dire le mensonge, quand le zor, c'est en vérité le faux témoignage. Le faux témoignage. Il a tellement répété cela qu'ils ont dit le compagnon, si seulement il s'était tu. C'était fort pour eux, c'est fort. Hein, si seulement il s'était tu. Donc on voit ici uquq al-walidain, la désobéissance aux parents, qui fait partie des grands péchés, des plus grands péchés. Donc ici, donc Abdullah, il y a Abdul Malik ibn Umair, il y a un Arad, il y a Katab al-Mughira ibn Shu'ba, Kala Katab al-Mu'awiya ibn al-Mughira, Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Kal, Warad, Fa'amla alayya wa katabtu biyadi, inni sami'tu yanha an kathrati al-su'al wa ida'at al-mal wa an qil wa qal. Je ne sais pas pourquoi le hadith ici il est mentionné. Je ne sais pas pourquoi en vérité ce hadith il est mentionné. Et j'essaie de voir quel est le rapport ici avec justement l'obéissance, la désobéissance plutôt aux parents. Parce que Mouawiya demande, donc le Mughira ibn Shu'ba, il a écrit à Mouawiya ibn Mughira. Et le Mouawiya l'a écrit à Mughira, il lui demande pourquoi. Écris-moi de ce que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit, donc il a dit j'ai entendu donc. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de trop questionner, de trop poser de questions, de perdre, de dilapider l'argent et de trop dire il a dit, on l'a dit. Allah a'lam, il y a des chances que trop de questions et le fait de dilapider l'argent entrent peut-être dans justement la désobéissance, peut-être aux parents. Que lorsque tes parents te demandent quelque chose, ne commence pas à poser des questions pourquoi lui, pourquoi tu. Parce que lorsqu'on dit trop de questions, c'est dans tout. Que ça te sous elle, trop poser de questions, c'est pas que. On ne parle pas de dans la religion, tu poses des questions parce que tu veux savoir. Ou bien, tu ne dois pas aussi exagérer dans trop de questions. Si on parlait du domaine de la religion, on dirait par exemple, comme les gens de la vache. Quelle vache, quelle couleur? On t'a demandé d'égorger une vache, égorge. On t'a pas demandé d'aller trop loin. Comme lorsque le Nabi Sansam a dit qu'il faut faire le Hajj, et que la personne a dit chaque année. Donc ça, c'était pas demandé. Tant que c'est pas demandé, ne dis rien. Les compagnons avaient peur de poser des questions, de peur que ça devienne obligatoire pour eux. Donc ils évitent cela. Et hâte à trop de questions, c'est aussi demander à chaque fois de rendre service à tout le monde. Mais on a peur que trop de questions, c'est aussi des fois de demander peut-être à ses parents, trop de questions, c'est peut-être possible que ça rentre dedans, parce que je vois pas le rapport sinon. Dépenser, dilapider l'argent, mais en vérité si tu dilapides l'argent, ben ta famille et tes parents en priorité, ils n'en profiteront pas. Il n'y aura pas en vérité de gains et de profits par rapport à ça. Mais laissez le bête que ce soit ça, qu'il y ait un rapport entre eux, justement ce hadith et ici par rapport à la désobéissance des parents. Allahu a'lam. Donc si quelqu'un a quelque chose dessus, qui vient nous faire profiter, inshallah. كذلك باب يعني لعن الله من لعن والديه. Donc chapitre de la malédiction d'Allah envers celui qui maudit ses parents. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرك من الأرض لعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا. Qu'Allah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah, qu'Allah maudit celui qui change sarraqa, donc en vérité qui change la nature de la terre, comment elle a été façonnée, la façon que la terre a été façonnée, qu'Allah maudit celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudit en vérité celui qui maudit ses parents. Et comment les gens ils vont maudire c'est leurs parents? Lorsque tu vas en vérité maudire en vérité les parents des autres. Tu vas insulter les parents des autres, tu vas les maudire et ils vont maudire tes parents automatiquement. Donc tu en vérité tu reprends, ça veut dire que ça retombe sur toi. Ça va retomber sur toi. Et aussi qu'Allah maudit celui qui passe entrer en vérité, donc que ce soit un pervers ou quelqu'un qui commet en vérité des turpitudes sur la terre. C'est un moufsil fil ard, et toi tu le ramènes chez toi, et spécialement si tu habites à Médine. Ceux qui font ça à Médine, ils savent très bien qu'il y aura la malédiction d'Allah, des anges et de toute la communauté, de tous les humains envers lui, parce qu'en vérité il a ramené à Médine des gens de mal. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Bab yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siya. Donc ici le chapitre c'est le fait d'obéir envers ses parents tant que cela n'est pas un péché. Tant que cela n'est pas un péché. Tant que cela n'est pas un péché. Donc Abu Darda rapporte, radiallahu ta'ala anhuma, anhu, qalini awsani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bitasin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 9 choses. La tushrik billahi shay'a. Ne donne pas à Allah d'associer, même si on te coupe en deux, même si on te partage ton corps, quand on vient te déchirer, ou qu'on te crame, qu'on te brûle. Voilà, tatrukanna salat al-maktuba muta'ammida. Et ne délaisse pas la prière obligatoire, ou la prière prescrite, exprès. Alors tu peux venir prier en groupe, tu le pries à la maison, tu fais exprès, mais tu la retardes. Wa man tarakaha muta'ammidan buriyat minhu dhimma. Le voir même exprès, on peut même considérer aussi que c'est le tarak qui est kulli, même le fait de délaisser totalement. Car celui qui la délaisse exprès, donc son on va dire ça dhimma, c'est-à-dire son honneur, son sang, tout ça, il est innocenté de lui, de tout ce qui va lui arriver à kulli hal. ولا تشربن الخمر et ne bois pas de l'alcool فإنها مفتاح كل شر car c'est la porte à tout mal. Ça une fois que la personne elle boit, le fait qu'elle a perdu son raisonnement, elle va dire des mauvaises choses, elle va faire des mauvaises choses, elle sait même pas ce qu'elle va faire dans toutes les choses. Elle va dilapider de l'argent, elle va insulter ses parents, elle va faire n'importe quoi, elle va perdre son honneur. Donc voilà. Et obéis à tes parents. Donc ici on est dans le témoin argumentatif. Même s'il t'ordonne que tu sors de ta religion, de sortir de ta religion. Comme ça peut arriver chez des convertis, qui ont des fois des... Pas seulement chez les convertis, à Kulihal. Attaché d'Arab. hein, qui croient que l'iltizam c'est automatiquement le terrorisme, c'est automatiquement hein, donc le ça y est, tu auras plus de travail, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas partir dans une secte, je ne sais pas quoi, tu vas partir n'importe où, dans tel pays, en Irak ou en Afghanistan, n'importe quel délire. Ils ont tout de suite ces idées-là, parce qu'on les a inculquées comme ça. Donc même si tu te demandes de sortir de cette religion, tu ne vas pas le faire. Yanifakhruj lahuma. Voilà tu nazi anna wulat al-amr. Et aussi, ne cherche pas à quoi? À être contre le gouverneur. Voilà tu nazi anna wulat al-amr. C'est-à-dire celui qui est gouverneur, c'est lui dont Allah Azzawajal a décidé qu'il va gouverner les musulmans, ne cherche pas à lui prendre sa place. Ne cherche pas en vérité à te mêler de sa vie. À te mêler de ce qui se passe des affaires du château alors que tu n'es pas dans ce château. Ne perds pas ton temps à parler contre les gouverneurs comme les gens le font, alors qu'ils sont à 5000 km et ils s'imaginent tout comprendre. Ils attendent un moment où il y a entre tel et tel des relations entre tel et tel pays, que ce soit un pays musulman et un pays non musulman, et ça, ils s'imaginent que dans l'islam ça n'existait pas. C'est pas vrai. Il y a énormément de paramètres dont tu ne pourrais pas comprendre. Va faire l'ENA, va étudier je ne sais pas combien d'années d'études dans la politique, va rentrer avec eux, vis avec eux des années, après peut-être tu vas commencer à comprendre. Mais de ta petite chaise, hein, alors que tu as passé toute ta journée peut-être sous un moteur en train, parce que tu es mécanicien, ou là ou bien tu es un boulanger, ou bien voire même tu es un chômeur, tu fais rien du tout, et après tu parles comme si tu étais en vérité un chef d'État. Sois déjà en vérité déjà chef de toi-même si tu arrives. Alors que dire en vérité d'aller parler sur les gens dont tu n'es pas capable de comprendre. Là, il s'agit en vérité de Amr al-Mulouk. Les compagnons du prophète se taisaient sur les choses qui se passaient, des choses de graves qui se sont passées, ils se taisaient. Parce qu'ils n'étaient pas. C'était pas leur rôle. C'était pas leur rôle. Et s'ils conseillent, ils conseillent en privé. Ils ne conseillent pas en public. La personne courageuse, c'est pas la personne qui parle derrière un minbar à 3000 km. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est pas du courage. Parce que c'est Inda. La meilleure parole, c'est la parole qui est auprès. Inda. Yani, hein, el-Malik, el-Fajr. C'est auprès de ce gouverneur qui est en vérité pervers ou quoi. Et ça, c'est pas Inda quand il est à 5000 km. Elle ne lui arrive pas. Elle ne le touche même pas. Et ça, c'est important. Ça, c'est en général, c'est ce que des sujets dont les jeunes aiment, ils suivent. Ils ont le Hamas. Ils sont jeunes. Ils veulent changer le monde. Ils vont se refroidir plus tard. Ils vont se calmer. Le Khariji de 20 ans. À 35 ans, ben, il a tout perdu généralement. À 35-40 ans, c'est le rasé, hein, comme on dit, c'est le costume cravate, c'est le khadma, et c'est tout. Il a oublié. C'est tout juste s'il fait la salade. Il y en a qui sont passés avant eux, ils ont été comme ça, et ça va continuer. Parce que justement, parmi les sifets des khawarij, qui sont nombreux de trois, c'est le djinn, l'ignorance. Hein, l'ignorance, le kibr, l'orgueil. Parce que surtout, en train de mentionner les péchés des autres, comme si eux, ils n'en avaient pas. Donc ils ont ça, ils ont l'orgueil, ils ont le kibr, ils ont aussi le non-respect. De quoi? De bid'a ulama et tout. Ils ont rejbun nefs. Ils s'imaginent être les meilleurs. Tu rentres dans le din, t'es le meilleur. Sans effort. Yama. Parce que parler sur des autres, critiquer toujours les autres, ça inclut que toi t'es bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas toujours. C'est pour ça qu'il faut se prémunir hâte de parler sur tes frères qui sont bien. Par exemple, si t'as vu qu'il a fait un péché. Parce que c'est comme si tu voulais dire que toi t'es contre ce péché. Et ça peut être de l'IA sans que tu le saches. Ne parle pas en public comme ça. Ne parle pas en public. Ils étaient comme ça. Et ceux qui ont été khawarij à l'époque du prophète, c'était pas les compagnons. Et quand ils étaient jeunes, ils voyaient les compagnons qui étaient vieux, ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Regarde le vieux, tatatatata. Et le vieux il disait, parce qu'il voit faire quelque chose. Le vieux lui dit, c'est un compagnon. Il lui dit, j'ai vu le prophète le faire. Là, l'autre, il y a du ilm, il y a un dalil, et l'autre, il vient rigoler, il se moque. Il se moque en vérité de la religion d'Allah, tout simplement. Et c'était parmi ça, c'est le khawarij qui sont comme ça. C'est parmi les khawarij. Ils ont le hamas, mais ils n'ont pas le fahm. Alhamdulillah, il n'y a aucun alim avec eux. Ils n'ont pas de ulama avec eux. Donc c'est suffisant. Suffisant, il suffit de réfléchir. La chaîne de transmission du prophète sans salam jusque maintenant, des ulama, tu ne les vois pas avec eux. Ils ne sont pas dans cette chaîne de transmission. Tous ces khawarij. Ils ne profitent pas de ulama. Lorsqu'on dit de ne pas rentrer dans ces histoires-là, au khawarij, on n'est pas en train, eux ils vont dire qu'on est dépeureux, ils vont dire tout ce qu'on veut. On va dire qu'on a des dalils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont beaucoup. qui lisent Kitab al-Imara de l'imam muslim ne prend pas de nous les jeunes, on s'en fout, c'est pas grave, nous on est rien du tout. Là, qui prend l'imam muslim Kitab al-Imara, t'acceptes ce qui va t'intéresser dans Sahih Muslim si c'est contre. T'acceptes certains hadiths qui disent comme quoi que ceci, cela, mais pourquoi t'acceptes pas le reste? Pourtant c'est la même personne qui les ramène. C'est bel professeur Sam qui les ramène. Tu prends de ce que tu veux et tu regardes de ce que tu veux. Alors que l'islam c'est pas ça. Tu prends tous les textes et après la règle religieuse, le statut religieux, il est après avoir reçu tous les textes. C'est pas une partie des textes, on prend et les autres on les rejette. Et après ça se termine plus. Ils vont bloquer sur 3, 4, 5 sujets, en vérité ça se termine plus. Ça c'est une grave erreur, surtout pour les jeunes. Dès que les jeunes voient des gens comme ça, le mieux pour eux, c'est qu'ils s'en écartent. Ils ne disent pas je vais rester avec eux, je vais se leur faire la sihaoula. Ils s'en écartent. Il ne faut pas rester avec ces gens-là, parce que ce sont parmi les pires des personnes. Ce sont en vérité parmi les pires des personnes. Wa in ra'aita annaka ant. Voilà, yani tafrid min az-zahf. Donc il dit wa in araita innaka ant, ça veut dire ici même si tu vois que quoi, que tu es dans la en réalité, que tu as raison, même si tu vois que tu as raison ici, Nabi Somi dit wa in araita annaka ant, c'est anta ala al-haq, ça veut dire même si tu vois qu'en vérité c'est le gouverneur qui a tort, mais toi tu as raison. Ne cherche pas à ça, malgré qu'il s'est fait ceci. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit même s'il te tape le dos, même s'il te prend ton argent. On voit un gouverneur qui t'enlève ton haq, qui te prend tes sous, qui te tape. Taper, on peut mourir. Hein. Il y a des dabs qui vont jusqu'à la mort. Hein. D'accord, c'est la torture. C'est quoi? C'est un tyran, c'est un injuste. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande de quoi? De tasmarotouti al-amir. Même s'il frappe ton dos et même s'il te prend tes sous. On te fait du mal. Et dans ton corps et dans tes biens. Qu'est-ce qui te reste après? Il te reste plus rien. Il te reste plus rien. Ton corps, tes biens, t'as tout perdu. Et pourtant, il demande à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré les situations les plus difficiles, de quoi? De patienter. Parce que Al-Jama'a, elle est plus importante que le mal qu'il fait. Et wallah, le bien qu'il y a avec eux, il est bien plus important que le mal qui va se passer avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé sur eux, par rapport à ce qui se passe, dans un hadith où il dit est-ce qu'après ce bien vient un mal, est-ce qu'après ce mal vient un bien, il dit naam, lakin fihi dakhan. Il y a un bien, mais c'est il y a quoi, il y a de la fumée. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé un bien. Il a quand même appelé un bien. Ils ne vont pas prédiquer un sunna. Et ce qui compte, c'est de patienter. Ce qui compte à la coulée, c'est de patienter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple par rapport à la patience. Et les Yahoud, quand ils ont demandé qu'Allah leur amène Talut pour se battre, ça, que lorsqu'on voit dans le Baqarah l'histoire, lorsqu'ils ont, ils se sont battus, ils ne sont pas battus. Parce qu'ils sont Moussa'adjilin. C'était les Khawarij de l'époque. C'est comme si c'était les Khawarij de l'époque. Ils veulent tous se battre. Ils veulent tout de suite se battre. C'est comme ça qu'ils disent. Et quand tu leur donnes l'occasion de se battre, ils ne le font pas. Parce que c'est l'istiajel. L'istiajel, il n'y a pas de fille. Laisse affaire Baraka. Si tu dis, moi, eh ben, je vais faire 50 prières tout de suite. C'est accepté ou c'est refusé? C'est pas en son heure. Pourquoi tu t'empresses? Allah il a mis les heures. Toute chose a ses conditions. Et toute chose a ses moments. Et eh ben, même ça, même la djihad, elle a ses conditions. Même la djihad, elle a quoi? Elle a ces conditions-là. Pourquoi les gens s'empressent? Va t ressemble aux juifs là, que quand une fois qu'ils ont eu, une fois qu'on les met en devant du fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent. C'est que du KLM. C'est facile. Dans un pays où on peut se permettre de parler. C'est facile. On peut se permettre de parler en cachette. Sale. Est-ce que ça, c'est ça est-ce que c'est comme ça qu'étaient les compagnons du prophète? Wallahi la abadan. Jamais. Ils n'étaient pas comme ça. Donc ça c'est important en vérité, de faire attention justement à ce genre-là. Voilà, tafrid min az-zaf. Et ne te sauve pas lorsque tu as l'ennemi en face de toi. Wa in halakta wa firni wa fara in ashabuk. Même si en vérité tu es perdu et que tes compagnons se sont sauvés. Wa anfiq min tawlik ala ahlik wa la tarfa' asaka an ahlik. Et en vérité donne de tes biens envers ta famille et ne lève pas le bâton sur ta famille, ne frappe pas ta femme. Ne sois pas méchant dans ta famille. Donc là, waqfid fil-lahi azza wa jal. Afwan. وخفهم في الله عز وجل et fais les peurs en Allah عز وجل. Dans son vérité, fais les rappeler qu'il y a le jour dernier. Donc la famille en vérité parle chez toi. Parle chez toi que les péchés c'est mauvais. Parle chez toi que les hasanats c'est bien, que les bonnes actions c'est bien. Donne-leur envie et fais leur peur en même temps. Voilà comment, en vérité, comment il est le musulman. Donc voici ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est hadith Hassan, qui est donc il est bon. Rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Donc Kitab al-Fitan. Voyez la où Ibn Hibban dans le chapitre al-Fitan. Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit ce hadith, on voit qu'il y a pas mal de fitan dedans. On voit que c'est des moments où c'est difficile. On a affaire à des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'il nous demande? De ne pas désobéir, d'obéir aux parents et d'éviter, de rester en vérité, de protéger le groupe. De, en vérité, de protéger à Kulihal le groupe. Parce que Hifz al-Jama'a, c'est ce qu'il demandait chez les musulmans. Protéger le groupe, c'est ce qu'il demandait l'imam Ahmed. On l'appelle pourquoi imam al-Sunnah wal-Jama'a? Parce que lorsque dans la fitna de Khalq al-Qur'an, l'imam Ahmed il a patienté. Il s'est fait torturer. Ils l'ont emprisonné. Ils l'ont voyagé. Ils lui ont interdit les ablutions. Plein de choses. Hein, on lui demande de faire du couple. De dire que le Coran est créé. Et malgré ça, ils disent encore il y a Amir al-Mu'minin. Et ils disent aux gens d'aller sous l'égide de l'armée du musulman, d'aller pour se battre contre les autres. Ils n'ont jamais dit quoi. Et eux, ils ont dit de quoi tu nous ordonnes? Il leur a dit, parce qu'ils ont demandé si tu vends, on a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre. Il a dit là. Il a dit là. Parce que justement, il leur a dit que c'était pas comme ça. Comme quoi, donc il a sauvé non seulement la Sunna, parce que il a réussi à faire que le haq est revenu. Hein? Donc il a protégé pour dire que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et que le Coran, c'est pas donc, création, mais c'est la parole d'Allah. Et deuxièmement, le Jama'a, parce qu'il n'a pas divisé la communauté. Il aurait pu, en 5-7, si on peut dire ça comme ça, diviser la communauté. Il ne l'a pas fait. Et de là, il a été appelé imam al-Sunnah wa al-Jama'a. Et là, de toute façon, il va pas sans l'autre. La Sunna, quand tu t'éloignes de la Sunna, automatiquement tu t'écartes de la Jamara, c'est automatique. La Sunna, elle te laisse dans la Jamara. Il a protégé la Sunna en gardant la parole comme elle était, et aussi il a protégé la Jamara en même temps. Ahlus Sunna ou al-Jamara. Non. Ça, c'est un meilleur exemple. C'est parmi les grands exemples. C'est parmi les grands exemples, l'exemple de l'imam Ahmed par rapport à cela. On va arrêter pour ce cours-là. Hein, comme ça, on laisse un petit peu de temps pour. Pour nos cerveaux un petit peu, ils se reposent parce qu'on va reprendre juste après le maghrib, inshallah. Donc, barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.